إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 25 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et donc on est arrivé à l'explication du Cheikh Ibn Taymiyyah lorsqu'il explique qu'est-ce que c'est le madhab ou le manhaj des salafs, quelle est la voie des salafs au sujet de la aqida, au sujet de l'asma wa sifat. Et on a parlé donc au dernier cours, on a commencé à expliquer le fait que les gens d'Ahl Sunnah et la voie des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a expliqué que la voie des salafs à ce sujet-là, c'est d'être au juste milieu entre les gens du tamthil et les gens du ta'til, c'est-à-dire entre les gens qui essaient de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, hein, et qui font des ressemblances entre le créateur et la créature, et les gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens d'Ahl Sunnah qui suivent la voie des salafs salih, eh bien ils sont dans le juste milieu entre ces deux extrêmes. Ils affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature, et ils les affirment également donc tels qu'ils sont, sans nier leur signification ou sans nier les attributs elles-mêmes. Donc ils les affirment sans tomber dans la négation ni dans le tamthil, le fait de ressembler, de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, donc il a expliqué que les gens du tamthil et les gens du ta'til, les deux sont coupables de commettre le même crime en fait. C'est-à-dire les gens du ta'til, ils font le tamthil, puis ils font le ta'til. Puis les gens du tamthil, c'est la même chose. Ils font le tamthil, puis ils font le ta'til. Hein? Donc après, le cheikh il explique, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ الْقَائِلُ لَوْ كَانَ اللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ لَلَزِمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ مِنَ الْعَرْشِ أَوْ أَصْغَرَ أَوْ مُسَاوِيًا وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَالٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَلَى الْعَرْشِ إِلَّا مَا يَثْبُتُ لِأَيِّ جِسْمٍ كَانَ عَلَى أَيِّ جِسْمٍ كَانَ وَهَذَا اللَّازِمُ تَابِعٌ لِهَذَا الْمَفْهُومِ أَمَّا اسْتِوَاءٌ يَلِيقُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّوَازِمِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي يَجِبُ نَفْيُهَا. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne, ou il dit, et si quelqu'un dit, hein, si quelqu'un ramenait comme argument pour nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les mu'attila par exemple, ils disent souvent ce genre de shubuhat, ils disent, si on affirmait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, eh bien ça, ça impliquerait qu'il soit plus grand que le trône, ou soit plus petit que le trône, ou soit égal au trône. Et tout ça est impossible. Et il y en a d'autres paroles semblables à cette parole. Donc ça, ça fait partie des exemples de Shubuhat que les gens de Kalam essaient de propager au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Donc ils propagent ce genre de Shubuhat pour essayer de mettre des doutes dans l'esprit des musulmans sur le fait d'affirmer les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même dans la révélation. Donc, de toute façon, il y en a quand on juste à regarder cette shubha, quand ils disent, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala serait plus grand que le trône. Subhanallah. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, dans chaque prière, on fait la prière, on dit Allahu Akbar. Donc, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que toute chose. Donc, comment ils peuvent même ramener ce genre de shubha alors qu'on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que tout. Donc ça, c'est des exemples. Puis après, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, فَإِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ. Donc il dit, ces gens-là, en fait, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Ils n'ont compris rien d'autre que ce qu'on affirme par rapport à un corps lorsqu'il est au-dessus de notre corps. C'est-à-dire que pour eux, lorsqu'on leur dit que Allah est au-dessus de son trône, eh bien, ils ne comprennent rien d'autre à ça que l'exemple de ce qu'ils connaissent dans les exemples de ce qu'ils voient dans la dunya, parmi les choses créées. Lorsqu'une chose, un corps quelconque, se tient par-dessus un autre corps. Donc, ils l'imaginent de cette manière-là, et donc, à cause de ça, ils tombent dans le tashbih. Et après, ils essaient de nier ce qu'ils ont imaginé, et pour faire ça, ils nient l'attribut elle-même. Et donc, c'est à cause de cette erreur-là que, yani, ils tombent dans ce genre de problème et dans ce genre d'égarement. Mais nous, on n'affirme pas l'istiwa de la manière que eux imaginent. C'est-à-dire qu'on n'affirme pas l'istiwa comme on affirmerait, par exemple, une créature qui se tient au-dessus d'une autre créature. Nous, on affirme al-istiwa, on affirme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui convient à sa majesté, qui convient à sa grandeur, qui convient à sa perfection, et qui est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'élève au-dessus de son trône d'une manière qui lui est particulière et d'une manière qui est différente de ce qui se passe chez les créatures. Et le fait d'affirmer l'istiwa de cette manière-là, ça n'implique aucune des fausses implications que ces gens-là essaient de nier, hein, ou qu'on devrait nier. Hein. Ça n'implique aucune de ces faussetés-là. Donc il n'y a aucune raison d'avoir recours à la négation ou au ta'til dans ce genre de questions-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là dans le commentaire. Il dit « Al-Mu'attila yaqulun idha stawa ala al-arsh wal-arsh makhluq imma an yakuna Allahu mithl al-arsh fil hajm aw innahu akbaru min al-arsh aw asghar min al-arsh ta'ala Allahu amma yaqulun li'anna qawlahum hadha la yaliqu billahi wa innama hadha fil makhluq المخلوق إذا صار فوق المخلوق فلا يخلو إما أن يكون مثله أو أكبر منه أو أصغر منه أما الخالق فلا يلزم في حقه لما بين الخالق والمخلوق من الفرق ثم هذا بحث في الكيفية ونحن لا نعلم الكيفية. Donc le cheikh lui il répond en disant que les mu'attila, ils disent, c'est ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que si Allah est au-dessus de son trône et que le trône est créé, donc c'est soit que Allah subhanahu wa ta'ala est de la même proportion que le trône, ou plus grand que le trône, ou plus petit que le trône. hein, que Allah soit purifié et exalté de ce que ces gens-là disent à son sujet. Et le cheikh il dit ensuite, parce que cette parole-là qu'ils disent, ça ne convient pas de dire ce genre de parole-là, c'est pas convenable par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des paroles qu'on dit uniquement à propos des créatures. Lorsqu'une créature se positionne au-dessus d'une autre créature. Hein, donc, dans ce cas-là, si une créature se tient au-dessus d'une autre créature, comme un homme au-dessus d'un roi, par exemple, humain, par-dessus un trône quelconque, ou des choses de ce genre, eh bien, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va dire soit qu'il est plus grand ou plus petit ou égal à la chose sur laquelle elle se tient. Donc, ça, c'est chez les créatures. Mais chez le créateur, eh bien, il n'y a rien de ça qui est impliqué, hein, à cause des grandes différences qui existent entre le créateur et la créature. Hein. Et en même temps, le cheikh dit que ça, c'est comme si on essayait de chercher au sujet du comment. Hein, c'est-à-dire comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône, et nous, on n'a pas le droit de chercher ça et d'essayer de comprendre ce genre de choses-là. Parce qu'on ne connaît pas le comment. Et en même temps, on sait que, comme je disais tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le Coran qu'au jour de la résurrection, il va faire des cieux et de la terre une poignée qu'il va plier dans sa main. Hein? Il va prendre les cieux et la terre et il va les plier dans sa main. Donc, est-ce que tu peux poser ce genre de questions-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça, c'est un manque de respect total. Hein, on n'a pas le droit de poser ce genre de questions que posent les Mu'attila. Et les Mu'attila, en passant, ce sont les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiya, tous ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit complètement ou partiellement. On les appelle des Mu'attila. Hein. Ce n'est pas une secte en particulier seulement. Il y a plusieurs sectes qui rentrent dans les Mu'attila. Et en général, c'est tous ceux qui font le ta'til. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وَصَارَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِ الْمُمَثِّلِ إِذَا كَانَ لِلْعَالِمِ صَانِعٌ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ جَوْهَرًا أَوْ عَرْضًا وَكِلَاهُمَا مُحَالٌ إِذْ لَا يُعْقَلُ مَوْجُودٌ إِلَّا هَذَانِ Subhanallah. Donc ces gens-là, la façon dont ils parlent, on dirait qu'ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il faisait partie de la création, comme s'il était créé lui aussi. Hein? Et ça, c'est complètement absurde. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, cet exemple de ce qu'il mentionne comme question qu'on a lu tout à l'heure au sujet du trône. Eh bien, c'est quelque chose qui ressemble également à l'exemple de la personne qui dit « Si le monde a un créateur, donc si ce monde a un créateur, soit que ce créateur est un jawhar ou bien qu'il est un ard. » Et il dit « Dans les deux cas, c'est quelque chose qui est impossible parce qu'on ne peut pas imaginer rien qui soit existant, excepté qu'il soit un jawhar ou un ard. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que al-jawhar, il dit, huwa alladhi yaqumu bi nafsi. Wal-ard, huwa alladhi la yaqumu bi nafsi. Mithlu al-alwan wal-rawa'ih. Wallahu munazzahun an hadha. Lianna hadha lam yarid fil kitab wal-sunnah. Fanahnu naskutu an dhalik. Donc, Al-Jawhar, c'est quoi? C'est la chose qui se tient par elle-même, qui existe par elle-même. Puis Al-Arad, c'est quelque chose qui ne se tient pas par lui-même, qui existe sur quelque chose, sur un Jawhar. Hein? Al-Jawhar, des fois, c'est traduit comme étant l'essence, puis Al-Arad, c'est traduit comme étant l'incident ou on peut dire parfois l'attribut ou des choses de ce genre. Et eux, ils utilisent ces termes-là parce que c'est des termes employés par les philosophes. Hein? C'est les termes que les philosophes emploient. lorsqu'ils décrivent la matière. Et donc, eux, ils essaient d'appliquer ces termes-là en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la religion. Et donc, ils disent, soit que si le monde, s'il y a un créateur, il est soit un jawhar ou un arad, et ainsi de suite. Donc, c'est des exemples de choses qu'il donne. Le cheikh, il dit, les exemples de arad, c'est comme par exemple les couleurs, les odeurs. Hein? Et il dit, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de ce genre de choses, et ça n'a pas été mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Donc, nous, on se tait au sujet de ces choses-là et on n'en parle pas. Donc, quand tu lis par exemple les livres des Asha'ira et des Maturidiya, des gens de Kalam, ils vont dire par exemple, Allah n'a pas de couleur, Allah n'a pas d'odeur, Allah n'a pas de ci, Allah n'a pas de ça. Ils commencent à nier plein de choses et pourtant ils n'ont aucune référence pour nier ou affirmer quoi que ce soit de ce genre de choses, excepté de se baser sur les paroles des philosophes grecs. Allah musta'an. Donc c'est ça qui a ramené beaucoup de shubuhat dans l'esprit de beaucoup de gens. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il commente aussi au sujet de ceux qui disent qu'on ne peut pas comprendre, ils disent que ça, ces deux choses-là sont impossibles et qu'on ne peut pas comprendre rationnellement ou logiquement que quelque chose existe, excepté qu'il fasse partie d'une de ces deux choses-là. Donc, cheikh Al-Fawzan, il dit, هذا التصور يكون في المخلوق فالمخلوق لا بد إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا أما الخالق فلا يلزم في حقه هذا فهم دائما يقيسون الخالق على المخلوق فلذلك ضلوا ولو أنهم ذهبوا مذهب أهل السنة وقالوا لا يلزم صفات الخالق ما يلزم لصفات المخلوقين لسلموا من هذا كله قال تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى وقال ولم يكن له كفوا احد. Donc le cheikh explique, il dit ça c'est la conception qu'ils ont par rapport à qu'est-ce qu'ils mentionnent au sujet de l'essence et de l'incidence ou bien de jawhar et de al-arad. Il dit ça c'est qu'est-ce qu'on conçoit par rapport aux créatures. Parce que les créatures, soit qu'ils sont une essence, ou soit qu'ils sont une incidence. C'est un des deux, parmi les choses créées. En ce qui concerne le créateur, le cheikh dit, aucune de ces choses-là n'est impliquée par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh explique la cause de l'erreur de ces gens-là, de ces gens de bid'ah, c'est qu'il dit, à chaque fois, ils essaient toujours de faire des analogies et de comparer entre le créateur et la créature. Et c'est pour ça qu'ils se sont égarés. Mais s'ils avaient suivi la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils auraient dit que ce qui est impliqué dans les attributs des créatures, ce n'est pas du tout impliqué au sujet des attributs du créateur. On ne fait pas de comparaison entre ce qui est impliqué dans les attributs des créatures et essayer de comparer ça ou d'appliquer ça aux attributs du créateur. Parce qu'il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Et s'ils avaient suivi cette voie-là, eh bien, ils auraient été épargnés de toutes ces contradictions-là. قال تعالى ليس كمثله شيء. Ça veut dire, comme dans Surah Shura, le verset 11, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien comme lui, il n'y a rien comme Allah, donc il n'y a rien qui peut être comparé à lui dans le monde des créatures par rapport aux noms et aux attributs. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et Allah, il n'y a rien qui est comparable à lui, il n'a pas d'écho, il n'a pas de semblable, il n'a pas de kuf, il n'a pas de mithl, et ainsi de suite. Donc, de faire des ressemblances ou d'essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant les analogies qu'on fait avec la création, ça c'est totalement incorrect. Donc, le cheikh il dit ensuite, cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit, « Wafi au qawlihi, إذا كان مساويا إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. Donc le cheikh il explique ensuite que il dit certains d'entre eux ils disent aussi également comme exemple parce que là il est en train d'énumérer des exemples de shubuhat qu'ils ont pour essayer de nier al-istiwa et pour rejeter l'affirmation de cet attribut là pour Allah, le fait qu'il est au-dessus de son trône. Donc ils disent par exemple aussi que si on affirme al-istiwa et qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, alors dans ce cas-là ça voudrait dire que c'est une forme d'istiwa, du fait qu'il se serait élevé au-dessus de son trône d'une manière qui est semblable à un être humain lorsqu'il s'élève au-dessus d'un lit ou au-dessus d'un bateau ou des choses comme ça, lorsqu'il est au-dessus d'une chose. Puisqu'ils prétendent que, puisqu'on ne connaît pas d'istiwa excepté de cette façon-là. Hein? Comme lorsque quelqu'un, par exemple, se pose sur une chaise, s'assoit sur une chaise ou s'assoit sur un lit ou s'élève au-dessus du lit pour s'installer dessus ou sur un bateau, s'installe sur le bateau ou ainsi de suite. Dites-nous, on ne comprend pas d'istiwa excepté cette forme-là, cette façon-là. Et ça, c'est une de leurs shubuhat. Parce que comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'a dit dans le dernier cours, ils imaginent dans leur esprit des choses qui sont des choses qui existent chez les créatures. Puis, après, étant donné qu'eux, ils considèrent que ce qu'ils ont imaginé, ils disent ça, on ne veut pas l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça, c'est des choses qui sont chez les créatures. Donc, au lieu de dire cette imagination-là que j'ai dans mon esprit, de ce que je pense, ça ne ressemble pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Donc, au lieu de nier la ressemblance, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nier l'attribut. Hein? Ils vont dire, dans ce cas-là, on ne peut pas affirmer que Allah est au-dessus de son trône. Il faut le nier. Et donc, ils tombent dans la négation à cause de ça. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il clarifie la parole de Cheikh Al-Islam ici. Et il répond en même temps à cette shubha. Et il dit, وَهَكَذَا مِنْ تَأْوِيلِهِمُ الْبَاطِلِ يَقُولُونَ لَوْ أَثْبَتْنَا الْإِسْتِوَى لَلَزِمَ أَنَّ اللَّهَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْعَرْشِ مثل ما يحتاج الإنسان إلى السرير ينام عليه أو يجلس عليه أو الكرسي أو السطح أو السفينة أو الدابة المخلوق محتاج إلى هذه الأشياء ولكن الخالق ليس محتاجا إلى هذه الأشياء وإنما هي المحتاجة إلى الله سبحانه وتعالى أما الله فغني عنها وعن غيرها فكيف تقيسون المحتاج بالذات إلى الغني بالذات هذا غلط. Donc le cheikh il explique, il dit cette interprétation fausse qu'ils amènent, cette fausse falsification du sens, parmi les exemples de ce qu'ils ramènent comme fausseté à ce sujet-là, c'est qu'ils disent que si on affirmait l'istiwa, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, ça impliquerait que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin du trône. Comme un homme a besoin de son lit pour dormir dessus, ou d'une chaise pour s'asseoir dessus, ou d'un toit pour monter par-dessus, ou d'un bateau, ou d'une bête, un animal. Et pourquoi? Parce que les créatures ont besoin de ces choses-là. Mais on ne peut pas dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien. Hein? Il se suffit à lui-même. Il est Al-Hayy Al-Qayyum, le vivant. Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Hein? Celui qui existe par lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre que lui-même. Hein? Donc, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à des créatures qui ont besoin de choses. Donc c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a besoin du trône, mais c'est le trône qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est suffisant à lui-même. Il n'a donc pas besoin du trône ni d'autre chose que le trône. Il n'a besoin de rien du tout. Et donc, vous ne pouvez pas comparer celui qui est, disons, indigent par sa personne elle-même et qui a des besoins par lui-même, et le comparer à celui qui est suffisant à lui-même et qui n'a besoin de rien. Donc, faire ce genre de comparaison-là, c'est une erreur totale. Et juste par exemple, dans le Coran, on trouve le terme istawa, ou le verbe istawa, utilisé pour d'autres choses que l'arche. Chez les créatures, par exemple, quand par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des bêtes, des montures que les êtres humains utilisent pour voyager, pour faire des trajets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لِتَسْتَوُ عَلَى ظُهُورِهِ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Donc ça veut dire quoi? لِتَسْتَوُوا, c'est le verbe استَوَى, mais يعني, disons à la deuxième personne du pluriel. Quand on dit l'istawa, pour que vous puissiez faire l'istiwa sur cet animal ou sur cette monture, c'est-à-dire monter sur son dos. L'istawa ala dhuhurihi, c'est-à-dire sur son dos. Thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi, idha stawaytum, lorsque vous vous êtes élevé ou monté sur son dos, wa taqulu Subhanallah, et vous faites le dua par la suite et vous dites Subhanallah, sakhara lana hadha, gloire à celui qui nous a assujetti ceci, wa ma kunna lahu muqrinin, et nous n'en étions pas capables, c'est-à-dire nous n'étions pas capables de les dominer par nous-mêmes. Donc, gloire à celui qui nous a assujetti ceci, il a fait que cette bête soit soumise à nous, pour qu'on puisse l'utiliser, monter dessus. On n'aurait pas pu les dominer sinon, si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous les avait assujettis. Et nous retournons, c'est vers notre Seigneur que nous retournons. Donc ça c'est un exemple du terme istawa qui est utilisé pour la monture. Et il y a aussi dans sourate Muhammad, je crois que c'est dans sourate Muhammad, non, dans sourate Al-Fath, le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le verbe istawa à propos par rapport à une plante qui se dresse sur sa tige. Il dit فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ. Donc il dit, comme l'image dans l'évangile, de celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, puis ensuite se dresse sur sa tige. Se dresse sur sa tige. Ça, c'est un autre exemple. Puis il y a aussi Al-Fulk. Lorsque l'arche de Noé s'est posée sur la montagne. Fastawat al-Judi. Le terme istawa est encore employé ici dans ce verset-là. Sauf que ça, c'est des créatures qui s'élèvent, qui se posent sur une autre créature. Et ça, c'est chez les créatures. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise pour se décrire lui-même et pour dire qu'il est au-dessus de son trône, lorsqu'il dit Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa, ou bien summa istawa ala l'arsh, eh bien dans ce cas-là, il faut pas penser à l'exemple d'une créature qui se pose sur une créature, mais il faut se dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'élève au-dessus de son trône d'une manière qui lui est particulière et qui lui convient. Qui convient à sa perfection et à sa grandeur. On ne fait pas de ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création dans cet attribut-là. comme dans toutes les autres attributs. Et ça, ça nous sauve et ça nous épargne de tomber dans des égarements comme les égarements de ceux des Mu'attila. Le Cheikh il dit ensuite, par rapport au commentaire lorsque Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit إِذْ لَا يُعْلَمُ الْإِسْتِوَىٰ إِلَّا هَكَذَا, parce qu'ils disent on ne connaît pas d'autre façon de faire l'istiwa excepté cette façon-là ou de cette façon. Et Cheikh Al-Fawzan il dit وَبِنَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ نَفَوَ الْإِسْتِوَىٰ عَنِ اللَّهِ لِأَنَّهُمْ مَا فَهِمُوا مِنْهُ إِلَّا مِثْلَ إِسْتِوَىٰ الْمَخْلُوقَ عَلَى الْمَخْلُوقَ فَنَفَوْهُ بِزَعْمِهِمْ تَنْزِيهًا لِلَّهِ. نقول فهمكم هذا غلط من أصله لأنه ليس بلازم ولم تعرفوا حق الله سبحانه وتعالى ولم تقدروا الله حق قدره إلا أنكم جعلتموه مثل المخلوق. Donc le Cheikh il dit, donc il se base sur ce genre de choses ou ce genre d'idées pour nier l'attribut d'Allah de l'istiwa. Ils disent par exemple on ne connaît pas d'autre façon de faire istiwa excepté l'exemple d'une créature lorsqu'elle monte sur une autre créature ou une chose lorsqu'elle est au-dessus d'une autre chose. Et nous on dit, le Cheikh il dit, ça c'est leur compréhension. Ils ont compris uniquement l'exemple des qu'est-ce qui se passe lorsqu'une créature s'élève sur une autre créature, et donc ils ont voulu purifier Allah subhanahu wa ta'ala de cette fausse pensée qu'ils ont eue. Ils ont fait ça dans le but de purifier Allah ou d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala et de le purifier d'un défaut ou d'une imperfection quelconque. Le Cheikh il dit, mais votre pensée, il dit, nous on leur dit à ces gens-là, votre compréhension, elle est fausse en partant. À la base, elle est fausse. Parce qu'il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas cette implication-là que vous avez inventée, eh bien, elle n'est pas là du tout. Et il dit, vous n'avez pas connu le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous n'avez pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être estimé. Vous n'avez pas eu envers lui le respect qu'il mérite, parce que vous l'avez fait de lui comme une créature. C'est comme si vous l'aviez comparé à une créature, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté de ce genre de choses. Après, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit fa inna kilahuma مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. أي نعم. Donc le Cheikh il explique, il dit à propos des معطلة et des ممثلة, il dit tous les deux ils ont fait ressembler Allah à sa création. Un, les Mumassila, ils ont fait ressembler Allah à sa création directement en le disant clairement, directement, qu'ils ont dit tel attribut comme la main d'Allah c'est comme la main de la créature, donc ils ont fait le tamthil direct, tandis que les Mu'attila ils n'ont pas fait le tamthil, la ressemblance directement, ils ont fait la ressemblance dans leur esprit. Ils ont fait le tamthil dans leur imagination. Ils ont imaginé la main d'Allah dans leur esprit comme une main d'être humain. Mais ils ne l'ont pas dit. Tandis que les Mumassila, ils ont dit la main d'Allah est comme la main des créatures. Ils ont fait le tamthil, ils ont fait la comparaison et la ressemblance entre le créateur et la créature verbalement. Et ils l'ont dit directement. Tandis que les Mu'attila, ceux qui nient les attributs, ils ne l'ont pas dit verbalement. Ils l'ont imaginé dans leur esprit. Ils ont imaginé une main et ils ont dit dans leur esprit, ce serait la main d'Allah. Donc, étant donné qu'ils ont fait la ressemblance dans leur esprit, qu'ils ont fait le tamthil, eh bien, ils ont cherché à nier par la suite la main. Ils ont dit donc, dans ce cas-là, on ne dit pas qu'Allah a une main. On va dire que la main, c'est la puissance, que la main, c'est la grâce. Et donc, ils ont fait les deux. Ils ont fait le tamthil et le ta'til. Hein? Tandis que, donc c'est ça. Et après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, donc, attala haqiqata ma wasafa Allahu bihi nafsa. C'est-à-dire, ils ont nié la réalité de ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même. Hein? Et il dit, le premier groupe, ils ont comme particularité par rapport à l'autre que ils ont nié امتاز الاول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي. Donc ils ont nié toute réalité qui a rapport avec ce qu'on appelle le fait de s'élever, hein, ou de faire al-istiwa dans son sens réel. Ils ont nié la réalité du sens. Et le deuxième groupe, eux, ils ont affirmé un istiwa, mais ils l'ont affirmé d'une manière qui convient aux créatures. Donc, ils ont fait le tashbih ou le tamthil. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique cette parole-là, et il dit « كَمَا سَبَقَ أَنَّ الْمُعَطِّلَ مُمَثِّلَ وَالْمُمَثِّلَ مُعَطِّلَ وكل منهما جمع بين الوصفين. On avait dit au dernier cours, on avait expliqué ça, que les deux, ils ont les deux caractéristiques, du tamthil et du ta'til. Après, le Cheikh Al-Fawzan, il dit aussi, au sujet de l'exemple que le Cheikh a donné par rapport aux deux groupes, que le premier nie la réalité de ce que signifie Al-Istiwa, puis le deuxième nie, ou bien affirme plutôt une Istiwa qui est semblable à celle des créatures et qui est particulière aux créatures. Cheikh, il dit à ce sujet-là, Al-Mu'attila ikhtalafu an al-Mumathila. Al-Mu'attila nafaw. Wal-Mumathila asbatu. Wa ghalaw fil isbat. Wa ulaika nafaw. Wa ghalaw fil tanzih. Wal-wasatu huwa al-khayr. La ifrat wa la tafrit. Nunazzihu Allah, walakin la nunfi, la nunfi anhu. أسماءه وصفاته ولا نمثلها بصفات المخلوقين. Donc le cheikh il dit que les mu'attila, ils ont une différence, ils ont divergé avec les mumathila. Les mu'attila, c'est les négateurs, puis les mumathila, c'est ceux qui font ressembler Allah à sa création. Il dit les deux, ils ont une différence entre eux. Les mu'attila ont nié et les mumathila ont affirmé. Les mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah, ils ont nié ces attributs, tandis que les mu'attila, eux, ils ont fait le contraire, ils ont affirmé les attributs d'Allah. Sauf que ils ont exagéré dans l'affirmation au point de faire des ressemblances entre le créateur et la créature, et les mu'attila, eux, ils ont nié dans le but d'essayer de purifier Allah d'une imperfection quelconque, c'est-à-dire de ressembler aux créatures. Donc à cause de ça, ils ont nié. Et la voie de Ahl al-Sunnah, elle est entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire, on ne va pas dans l'excès, puis on ne va pas dans, le laxisme ou le manquement. On purifie Allah subhanahu wa ta'ala des imperfections sans nier ses noms et ses attributs. Et on ne fait pas ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures lorsqu'on affirme ses attributs. Donc, on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main, hein. Et il s'élève au-dessus de sa création, mais sa main, elle n'est pas comme la main des créatures. Elle convient à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa perfection. Et elle est différente de celle des créatures. Et la même chose pour Al-Istiwa, et la même chose pour la parole, et la même chose pour la science, et la même chose pour tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ensuite... OK, donc le dernier point qu'on va lire, القول والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش لا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين أو فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, donc ça c'est la parole qui vient trancher dans cette question-là. C'est-à-dire, ce sur quoi se tient la umma du juste milieu. C'est-à-dire, les gens de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône d'une façon qui convient à sa majesté et qui lui est particulière. De la même manière qu'il est décrit et qu'il possède comme attribut, le fait d'avoir science, d'avoir connaissance de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, c'est qu'il est bi kulli shay'in alim, c'est-à-dire qu'il a la connaissance de toutes choses. Wa ala kulli shay'in qadir, il a le pouvoir sur toutes choses. Et qu'il est sami'un basir, il est audient et voyant. Wa nahwi dhalik, et ainsi de suite. Wa la yajuzu an yathbut lil 'ilmi wal qudrati khasa'is al arad allati ka'ilm al makhluqin wa qudratihim. Le cheikh dit, on n'a pas le droit d'affirmer, lorsqu'on affirme la science d'Allah ou sa puissance, de donner à la science d'Allah ou à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala les particularités de la science des créatures et de leur puissance, de leur force. Parce que la connaissance des créatures, elle est imparfaite, elle est incomplète, elle est précédée par de l'ignorance. Tandis que la connaissance d'Allah, ce n'est pas le cas. Elle est complète, elle est parfaite, elle n'est pas précédée par de l'ignorance, et ainsi de suite. La même chose pour, par exemple, la même chose pour la puissance. Elle n'est pas précédée de faiblesse, elle n'est pas limitée par, Donc, elle n'est pas limitée comme les êtres humains qui ont une force limitée ou ainsi de suite. Allah, il a la force sur tout et ainsi de suite. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, فَكَذَلِكَ هُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ. Donc, de la même manière qu'on dit ça à propos de l'attribut de la science et de la puissance, eh bien, on le dit également au sujet des autres attributs, comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. On dit que c'est pas parce qu'on affirme que Allah est au-dessus de son trône que ça veut dire que le fait qu'il soit élevé ou au-dessus impliquerait quelque chose qui est particulier aux créatures. Non. La façon dont Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, c'est quelque chose qui lui est particulier à lui et qui n'implique aucune ressemblance avec le fait qu'une créature soit au-dessus d'une autre créature. Il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature, et il n'y a aucune implication de ça qui s'appliquerait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est différent de sa création. Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, وَهُمْ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَقَوْلُهُمْ هُوَ الْوُقُوفْ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ مِنْ غَيْرِ تَدَخُلٍ بِالْأَفْكَارِ وَالْعُقُولِ بَلْ نُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي النُّصُوصِ وَنُثْبِتُ مَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي اللُّغَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا وَلَا نَتَدَخَّلْ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تجعل علم الخالق كعلم المخلوق ولا قدرة الخالق كقدرة المخلوق بل قدرة الخالق تختص به وعلمه يختص به وكذلك المخلوق الضعيف له قدرة وعلم وصفات تختص به. Donc le cheikh, il dit que donc la voix du milieu, ce sont les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et leurs paroles à ce sujet-là, c'est de s'arrêter hein, à qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est la position d'Ahl Sunna, c'est qu'on s'arrête au texte du Coran et de la Sunna sans essayer de rentrer avec nos idées et notre logique ou des trucs de ce genre pour essayer de changer les sens ou de comprendre les sens d'une façon incorrecte. On doit affirmer les choses telles quelles. Comme Allah, il s'est affirmé pour lui-même, ses noms et ses attributs, on les affirme. Et comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé pour Allah, subhanahu wa ta'ala, des noms et des attributs, eh bien, on les affirme aussi. Et on se réfère et on se limite à ce qui est dans les textes de la révélation du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Et on affirme la signification de ces attributs et de ces noms-là tels qu'ils sont connus dans la langue dans laquelle ils ont été révélés. Donc, on affirme ces attributs-là et ces noms-là de la dans la langue dans laquelle ces attributs-là et ces noms-là ont été révélés, c'est-à-dire la langue arabe pure, la langue arabe pure classique telle qu'elle était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non pas la langue arabe contemporaine, moderne. C'est-à-dire on retourne aux Arabes de l'époque, comment eux parlaient et comment eux comprenaient ces mots-là à leur époque. Et c'est ça la signification des versets. C'est une des façons de comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne va pas plus loin que ça. On ne va pas plus loin que ça. On s'arrête à cette limite. Parce que ça, c'est de la science de l'invisible que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Il n'y a personne qui connaît le comment des attributs, seulement Allah. Mais la signification des attributs, on la connaît puisque c'est révélé en langue arabe, en langue arabe claire. Le cheikh, il dit, « La taj'al ilm al-khaliq » Donc, il dit, n'essaie pas de faire de la science du Créateur, n'essaie pas de comparer la science du Créateur avec la science des créatures. Ou la puissance du Créateur avec la puissance des créatures. Parce que le Créateur, il a une puissance qui lui est particulière et une science qui lui est particulière. Et la même chose pour les créatures. Les créatures sont faibles, mais ils ont une puissance qui leur est particulière et une science qui leur est particulière et des attributs qui leur sont particulières. Et c'est ça. Donc, on ne fait pas de comparaison entre les attributs du Créateur et de la créature. On les affirme telles quelles et on donne à chacun la particularité qu'elle mérite. Et Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, dans son charh, à chaque fois qu'il parle de ce sujet-là, il explique que il y a les mots qu'on emploie, hein, il dit qu'il y a une ressemblance de façon abstraite quand on utilise le terme. Comme par exemple, si on va dire le mot science, ou le mot puissance. Donc, puissance, science, c'est une idée. Hein? Donc, quand tu l'utilises de cette façon-là, ça c'est, disons, une idée abstraite. Parce qu'elle est attribuée à rien. Tu ne l'as pas attribuée ni au créateur, ni à la créature. Donc, tu dis science. C'est une idée abstraite. Mais lorsque tu l'affirmes et que tu l'attribues à quelque chose, elle devient spécifique et particulière. Elle se distingue. Donc, si par exemple, le mot science, je le prends, je l'affirme et je l'attribue à Allah, elle devient particulière à Allah. Et si je prends le même mot, science, et je l'attribue à une créature, elle change, elle devient particulière à la créature. Même si c'est le même mot, mais c'est différent du moment que tu l'attribues à une chose différente. Et la même chose pour la vue. Si je dis la vue, c'est une idée qui est abstraite. Hein? Tant que je ne l'ai pas attribuée à quelque chose, eh bien, elle reste abstraite. Donc, On peut pas, elle n'est pas particulière. Mais si je dis la vue d'un animal, elle devient particulière. La vue d'un insecte, elle devient particulière. La vue d'un être humain, elle devient particulière. La vue du Créateur, elle devient particulière. À chaque fois, elle change. Et elle devient ou elle correspond à la chose à laquelle elle est attribuée. Si elle est attribuée au Créateur, ça veut dire qu'elle est parfaite. Et elle est parfaite. Si elle est attribuée à une créature, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite. Hein? Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, les Mushabbiha et les Mu'attila, les deux sont tombés dans l'égarement à ce sujet-là parce qu'ils n'ont pas compris cette différence-là. OK? Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit aussi, فَهُوَ سُبْحَانَهُ اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ واستواءه على العرش يقتضي أنه فوق العرش لأن على تدل على الفوقية فقوله استوى على العرش يعني فوق العرش هل كونه فوق العرش مثل كون المخلوق فوق السرير أو فوق السطح ليس كذلك لأن المخلوق محتاج إلى ما تحته ليحمله فلا يقاس الله عز وجل بخلقه أبدا فاستواءه على وعلمه وقدرته وذاته وأسماؤه وصفاته خاصة به لا لائقة به سبحانه وتعالى لا تشابه بينهما وبين صفات وأسماء المخلوقين وخصائصها وَلَوَازِمِهَا. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il termine et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, istawa ala al-arsh, dans le verset 3 dans Surat Yunus et dans d'autres versets aussi. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé au-dessus de son trône, quand tu dis istawa ala, ça veut dire ala, ça veut dire ce, hein, ça veut dire c'est quelque chose qui s'est élevé, hein, istawa ala, istawa ça veut dire s'élever, monter, s'élever, et ala ça veut dire sur. Si tu l'emploies istawa, le verbe istawa, hein, donc si tu l'emploies comme ça, tu dis istawa ala, ça a une signification. Si tu l'emploies avec ila, istawa ila, ça a une autre signification. Si tu l'emploies par lui-même, istawa, istawa kada wa kada, ça a une autre signification. Mais avec ala, toujours ça veut dire sur ou au-dessus. Hein? Donc les gens de Bid'ah, eux, quand ils arrivent avec le terme istawa, ils ne veulent pas l'affirmer. Parce qu'ils ne veulent pas affirmer Allah tel qu'il s'est décrit lui-même. Donc ils essaient de jouer avec le terme istawa. Il y en a qui vont dire, par exemple, le terme istawa, ça peut vouloir dire plus que 15 choses différentes. Donc ils nient la signification, ou bien ils ramènent le fait qu'il y a plusieurs significations du terme istawa. Donc ils essaient de dire que, étant donné qu'il y a tellement de significations, on ne peut pas savoir c'est laquelle qui est vraie. Et ça, c'est ridicule. Et on a donné déjà des exemples à ce sujet-là. Il y a plein de mots, même dans d'autres langues, comme en français par exemple, ou en anglais, des mots qui peuvent avoir plusieurs significations selon le contexte. Hein? Et quand j'enseignais les enfants, par exemple, je leur donnais des cours de langue. Par exemple, en anglais, je leur enseignais, par exemple, de chercher dans le dictionnaire s'ils ne comprenaient pas un mot. Donc, quand ils cherchaient dans le dictionnaire pour trouver le mot, des fois, ils cherchaient la signification du mot, mais ils ne retournaient pas au contexte de la phrase, ou au contexte du texte qu'ils étaient en train de lire. Donc, ils cherchaient dans le dictionnaire, puis ils disent, j'ai cherché le mot, mais voici ce que ça dit dans le dictionnaire. Et l'erreur qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est de prendre la première définition qu'ils trouvaient. Hein? Et de ne pas aller plus loin. dans la définition pour voir qu'il y a plusieurs significations. Parfois, il y a plusieurs chiffres. Hein? Il y a la définition numéro 1, définition numéro 2, définition numéro 3, définition numéro 4. J'ai dit après aux élèves, j'ai dit, quand vous regardez dans le dictionnaire, prenez pas juste la première définition que vous trouvez pour un mot. Lisez aussi les autres définitions, puis essayez de voir laquelle correspond au contexte de ce que vous êtes en train de chercher. Pas juste de prendre n'importe quelle, parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la première définition, et puis ils l'écrivaient comme réponse. Et après, ils avaient zéro, ils n'avaient pas une bonne note. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient la première, ils ne regardaient pas le sens. Alors, après, je leur ai dit, quand vous cherchez dans le dictionnaire, regardez pas la première définition seulement, regardez aussi les autres définitions, peut-être que c'est pas la même chose selon le contexte. Eh bien, ici, c'est la même chose. Si tu dis, le mot istawa, il peut avoir 15 définitions, bon, même s'il pouvait avoir 100 définitions, ça change rien. L'important, c'est dans quel contexte il a telle ou telle signification. Et donc, dans l'utilisation du terme istawa, lorsqu'il est employé avec ala, déjà, ala, ça veut dire sûr. Donc, si on disait juste comme, si on disait seulement Allah ala l'arche, Allah ala l'arche, ça voudrait dire Allah est sur le trône. Hein? Allah est sur le trône, ou au-dessus du trône. Mais si tu dis istawa, là, ça vient encore plus clarifier que Allah s'est élevé au-dessus du trône. Hein? Donc, celui qui essaie de nier le fait que Allah est au-dessus de son trône en essayant de nier la connaissance de la signification de cet attribut-là ou de ce mot-là, c'est de l'ignorance. Et j'ai souvent vu des Ahbash, par exemple, il y a une secte qu'on appelle les Ahbash. La raison pour qu'on les appelle Ahbash, c'est parce que leur cheikh s'appelait Abdullah al-Habashi, hein, et il venait de l'Éthiopie, donc c'est pour ça qu'on l'appelait al-Habashi. Sinon, la plupart, on les retrouve au Liban, puis on les retrouve aussi il y a beaucoup de Tunisiens qui sont entrés dans cette secte, des Libanais aussi, puis des gens de différentes régions, de différents pays, mais disons que ils propagent ce genre de choubouhat. Hein, c'est eux qu'on retrouve souvent en train de propager ces choubouhats-là. Leur centre, là où ils ont... je pense là où leur chef était, c'était, je pense, au Liban. Mais sinon, ils ont des centres et des écoles partout, un peu partout dans différents pays, même des pays non musulmans. Comme par exemple en France, ils ont des mosquées, ils ont des écoles. Ici à Montréal même, ils ont des écoles, ils ont des mosquées. Et ils se donnent un nom comme le truc d'association charitable, quelque chose comme ça. Ici, leur mosquée à Montréal s'appelle Salah al-Din, sur avenue du Parc. Et ils ont une école, je pense que leur école s'appelle Ali ibn Abi Talib, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Ils enseignent, dans leurs écoles, ils enseignent ce genre d'aqida. Aqida ash'ariya extrémiste. Et parmi leurs exagérations aussi, leur extrémisme, c'est qu'ils font le takfir des musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils font le takfir des grands ulama comme Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen. Tous ces savants-là, pour eux, sont des kuffars. Et également aussi, ils justifient et ils défendent et ils font la promotion de l'adoration des morts et des saints et des tombes. Et ils considèrent que ça fait partie de l'islam et que c'est quelque chose qui est obligatoire, et que si tu ne le fais pas, t'es un kafir. Si t'es pas d'accord avec ça, t'es un kafir. Alors que c'est du shirk. Et en même temps aussi, ils propagent et ils défendent la bid'a la célébration de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils appellent à ça avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Hein? Donc, ils sont des gens qui propagent la bid'a, le shirk et l'ignorance. Aussi, ils sont très lousses par rapport aux questions qui ont rapport avec le hijab et les femmes. Et si tu vois, la plupart des femmes qui fréquentent leur mosquée, elles se mettent du maquillage, elle se voile pas, elle porte des pantalons moulants serrés, des vêtements très très serrés sur le corps. Elles ont aucun respect des règles de hijab et de l'islam, yani, par rapport à ces questions-là. Et la mixité entre eux, yani, ça c'est quelque chose de normal. Il y a beaucoup d'autres formes d'égarement qui existent chez eux, mais ça c'est les plus courantes, celles qu'on entend le plus souvent. Ils encouragent aussi la musique, la chanson, les anachis, tous ces trucs-là, ils les encouragent. Bien entendu, ce sont des soufis. Hein, ce sont des soufis extrémistes. Donc, ils appellent à la croyance en Wahdatul Wujud, puis beaucoup d'autres croyances d'égarement. Donc, c'est des gens égarés par rapport à ça. Et ça, c'est ces gens-là qui propagent ce genre de shubuhat. Et quand ils traduisent, par exemple, le verset Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, eh bien, ils ne le traduisent pas. Le terme istawa, ils le laissent en arabe, c'est-à-dire ils le traduisent jamais. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi vous le traduisez pas, comme si vous traduisez tout le verset, mais pas ce mot-là. Quoi, comme si le mot-là était en chinois et ils pouvaient pas le comprendre. C'est impossible de traduire ce mot-là. Donc c'est pour te dire comment ils jouent avec les versets d'Allah. Donc le cheikh il dit que Allah, ça indique Allah est au-dessus. Hein? Et lorsqu'il dit Allah Ar-Rahman ala al-Arsh istawa ou istawa ala al-Arsh, ça veut dire que Allah est au-dessus du trône. Est-ce que le fait qu'il soit au-dessus du trône, c'est pour dire qu'il est au-dessus du trône comme une créature lorsqu'elle est au-dessus d'un lit ou au-dessus d'un toit? Le cheikh dit non, c'est pas le cas. Parce qu'une créature, elle a besoin de ce qui est en dessous d'elle pour se porter, pour se tenir. Hein? Mais on ne fait pas de comparaison entre Allah et sa création. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et il a la science, il a la puissance. Donc son être, ses noms, ses attributs sont particuliers à lui-même et elles lui conviennent à lui. Et il n'y a aucune ressemblance entre lui et les créatures, ni entre ses attributs, ses noms et les attributs des créatures. Et il n'y a aucune ressemblance non plus entre les noms et les attributs des créatures et leurs particularités et leurs implications. Donc il n'y a aucune ressemblance entre ces choses-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça la semaine prochaine, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين